spectaculaire. Sixième paragraphe, les exercices respiratoires. Utilisez votre expire en petites fractions sèches et courtes. Créera un rythme, et même un excellent rythme. Essayez de créer ce type de rythme que l'on pourrait appeler le rythme rieur, en utilisant les sons syllabes ha, ha, hi, hi, ho, ho. Pratiquez encore et encore. Ensuite, mettez plus de force dans la première syllabe ha que dans les autres. Cela donnera ce que l'on pourrait appeler ici le rythme rieur continu.